بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 111 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Donc c'est-à-dire le discernement ou la distinction entre les serviteurs rapprochés d'Allah et les serviteurs du shaitan, ou les alliés du shaitan. Et donc, on continue à partir de l'endroit où on s'est arrêté la dernière fois, et on sait que dans la section dans laquelle on est en train de... la section qu'on est en train d'expliquer, c'est une section au sujet des différents termes qui sont employés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui se distingue en deux catégories. Par exemple, al-irada, hein, et qui se distingue en al-irada, qui est al-kawniya, et al-irada, qui est shar'iya. Et on a expliqué déjà la différence entre ces deux termes, kawniya et shar'iya. Et on a expliqué que kawniya, c'est ce qui est relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et qui est reliée à la prédestination. Et donc, ça veut dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé est prédestiné et qui n'est pas relié à la condition de faire partie de ce que Allah aime. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut créer et peut prédestiner ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et tandis que al-iradatu shar'iyya, la volonté d'Allah dans qu'est-ce qu'il a révélé et dans ce qu'il a légiféré, et c'est ce qu'on connaît à travers la révélation, eh bien cette volonté-là, elle ne peut être que ce que Allah aime. Et il n'ordonne dans sa révélation et dans sa religion que ce que Allah aime, hein, que ce qu'il aime. Et ce qu'il déteste, il l'interdit. Tandis que dans le qadar, et dans la création, il peut ordonner et il peut créer ce qu'il n'aime pas, dans le but de tester les hommes et dans le but de les éprouver. Une autre chose aussi qui distingue entre les deux catégories, c'est que al-iradatu al-kawniya, eh bien, lorsque Allah l'a prédestinée, eh bien, elle ne peut que se produire. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas se produire une fois qu'Allah l'a créée, l'a prédestinée. Tandis que al-shar'iyya, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ordonner quelque chose dans la révélation et ça ne veut pas dire que cette chose-là va exister ou va être. Par exemple, il a ordonné aux gens de faire, aux êtres humains, il a ordonné de croire, hein, dans la révélation. Il a ordonné à tous les êtres humains de croire. Est-ce que tous les êtres humains croient? Non, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Donc ça, c'est une des différences entre la volonté et l'ordre qui est relié à la religion et l'ordre qui est relié à la création et la prédestination. Donc ça, c'est parmi les différences. Naam. Ok, donc on est arrivé à une autre... Un autre parmi les termes qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation est le terme de al-idhnu. Al-idhnu. Al-idhn, ça veut dire en arabe la permission. Souvent quand on parle, on dit par exemple à propos de quelque chose bi-idhnillah. Hein? Bi-idhnillah, c'est-à-dire par la permission d'Allah. Et donc il faut savoir qu'il y a deux types de idhn. Il y a deux types de permission. Il y a la permission qui est kawniya et il y a la permission qui est shar'iya. La permission qui est kawniya, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis de se produire dans la création. Parmi les choses qu'il a créées et parmi les choses qu'il a prédestinées. Et donc parmi les choses qu'il a créées, parmi les choses qu'il a prédestinées, il peut y avoir dans la création des choses... Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Même qu'il peut permettre dans la création des choses qu'il a interdites dans la révélation. Hein? Et c'est là qu'il est important de faire la distinction entre les deux. Pourquoi? Parce que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait permis à quelque chose d'interdit ou quelque chose de mauvais d'exister, ça ne veut pas dire qu'il l'a permis dans le sens qui, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé ou est satisfait ou a aimé cette chose. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre parce que, comme on l'a dit pour certains des points précédents, eh bien, on peut le dire également à propos de Al-Idhn, c'est que le fait que, par exemple, certaines choses existent, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose. Et on a donné l'exemple plusieurs fois, déjà avec le porc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le porc, par exemple. Eh bien, malgré qu'il l'a créé, mais il l'a interdit. Donc, ça ne veut pas dire que parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé une chose, que ça veut dire qu'il est satisfait ou qu'il aime cette chose. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les raisins avec lesquels on fait de l'alcool. Il a créé aussi la canne à sucre, par exemple, avec lequel on fait de l'alcool aussi. Il a créé le riz avec lequel on fait de l'alcool. Donc, avec les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, on peut faire des choses qu'il aime et on peut faire des choses qu'il n'aime pas aussi. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette chose-là, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait permis que cette chose-là, par exemple, devienne fermentée et qu'elle puisse enivrer, eh bien, ça ne veut pas dire que il l'a aimé et il a permis cette chose-là à ses serviteurs. Et la preuve qu'il l'a interdit, c'est par rapport à la révélation et qu'est-ce qu'il a révélé à ce sujet dans sa révélation par l'intermédiaire de ses messagers et de ses prophètes. Et c'est ainsi qu'on sait ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. D'accord? Et aussi, il y a le fait que, par exemple, l'autre jour, j'entendais certains parmi les koufars qui disaient, par exemple, le fait que quelqu'un soit homosexuel. Hein? Ils disent, si quelqu'un est homosexuel, ça veut dire que, le fait que Allah m'ait créé comme ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être accepté. C'est quelque chose qui est bien, hein, parce que Allah l'a créé. Si c'était pas bien, eh bien, ça n'existerait pas. Eh bien, ça aussi, encore une fois, c'est un faux argument. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas tout ce qu'il a créé qu'il aime. Il a créé certaines choses dans le but d'éprouver les hommes. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un, par exemple, il a une tentation ou un désir. Parmi les tentations et les désirs qui font partie des passions illicites et des désirs illicites, que quelqu'un ressent ça en lui-même, que ça veut dire que, yani, par conséquent, ce désir ou cette tentation ou cette attirance, elle est acceptable ou permise en islam. Hein? Donc ça, c'est très important de comprendre cet aspect-là. Hein? Et donc le fait d'essayer de justifier quelque chose par le fait que cette chose existe, hein? Ou par le fait que, par exemple, certains parmi ces gens-là qui disent, par exemple, qu'ils ne croient pas en Dieu parce que, justement, ils ont ces tendances ou ces penchants ou ces attirances qui sont illicites ou interdites par Allah. Donc ils disent, si ces choses-là existent et que quelqu'un a ces attirances-là, hein, donc ça veut dire que si Dieu les a interdits, ça veut dire qu'il est contre moi. Non, il n'est pas contre toi, il est contre ce qui est mauvais, ce qui est perversité, ce qui est désir ou tentation illicite. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a des tendances ou des attirances envers quelqu'un ou envers une personne qui lui est illicite. Hein? Même si c'est un homme, par exemple, qui a une attirance envers quelqu'un, une femme, par exemple, mais qui n'a pas le droit de l'épouser. Il doit s'abstenir. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un il a une attirance qu'automatiquement, il doit suivre ses passions et ses désirs pour justifier cette chose-là. Ceci dit, on va commencer à lire les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah pour comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça. Le cheikh, il dit, وأما الإذن فقال في الكوني لما ذكر السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي بمشيئته وقدرته وإلا فالسحر لم يبيح الله عز وجل وقال في الإذن الديني أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Donc ici, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, en ce qui concerne la permission dans ce qui est kawni, c'est-à-dire ce qui est relié à la création et la prédestination, eh bien, ce qu'on peut dire à propos de cette permission-là, c'est que il y a l'exemple du sihr, l'exemple de la sorcellerie, de la magie. Et il mentionne le verset 102 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُمْ بِضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ce qui signifie, et ils ne pourront par cela, c'est-à-dire par cette sorcellerie, faire de tort à quiconque, excepté par la permission d'Allah. C'est-à-dire, ils ne pourront nuire à personne, hein, excepté par la permission d'Allah. Et ici, le fait que quelqu'un puisse nuire à une autre personne par le sihr ou en utilisant le sihr, ça ne veut pas dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on ne peut le faire que par la permission d'Allah, que Allah permet de faire du tort aux hommes, dans le sens qu'il aime cela. Hein? Allah n'aime pas qu'on fasse du tort aux gens. Mais ici, il parle de la permission par rapport au fait qu'il l'a, hein, qu'il l'a créé et qu'il l'a prédestiné. Il a permis à cette chose-là d'exister, dans le but de tester et d'éprouver les hommes. Et la preuve de ça, c'est quand ils disent, par exemple, hein, Harout et Marout, les deux anges, lorsqu'ils apprennent à quelqu'un cette sorcellerie, ils disent « Innama nahnu fitna » Nous ne sommes qu'une épreuve, qu'un test. « Fala takfur » Alors ne tombe pas dans la mécréance en apprenant cela. Hein? Donc c'est la preuve que c'est une épreuve et un test. Et ça, c'est la sagesse derrière. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire. Parce que quand il dit ici, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « accepté par la permission d'Allah », c'est-à-dire « bimashi'atihi wa qudratihi », c'est-à-dire par sa volonté et par sa toute-puissance. Parce que personne ne peut te faire du tort excepté par la permission d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui amène le serviteur à mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et à ne pas craindre les sorciers et les magiciens, ou de ne pas craindre, par exemple, le raib ou les djinns, hein, parmi les créatures, mais de craindre uniquement Allah, subhanahu wa ta'ala, et de savoir que même si quelqu'un essaie de nous faire du tort en utilisant de la sorcellerie, ou du sihr, ou n'importe quelle autre chose, eh bien, ils ne peuvent nous faire que ce que Allah a écrit pour nous, et ce que Allah a prédestiné pour nous. Donc, nous devons mettre notre confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et prendre les causes en suivant, hein, ce qu'il nous a ordonné de faire par rapport à ces choses-là. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il dit وَمَا هُمْ أَيْ أَسَّحَرَةُ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ أَيْ بِالسِّحْرِ وَالسِّحْرُ يَضُرْ إِمَّا بِالْقَتْلِ وَإِمَّا بِالْمَرَضِ فَهُوَ يَضُرُّ نَسَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيَاطِينَ ولكنه لا يضر احدا الا باذن الله اذن الله وقدره الكوني فلا يمكن للسحره ان يتسلطوا على احد ويؤذوه بسحرهم الا بقضاء الله وقدره فعلى المسلم ان يتوكل على الله ويستعيذ بالله من السحره ومن غيرهم والشاهد من الآية إلا بإذن الله أي إذنه الكوني وإلا فإن الله لا يأذن بالسحر شرعا بل ينكره سبحانه وتعالى ويكفر من ويكفر من فعله أو يكفر من فعله وإنما هذا إذن كوني قدري فإذا قدر الله أن السحر يضر وقع الضرر منه وهذا يستدعي من العبد أن يلجأ إلى الله وأن يستعيذ به من السحرة وغيرهم. Donc le cheikh il dit, et ils ne peuvent te faire, c'est-à-dire ils ne peuvent faire, c'est-à-dire les sorciers, du tort à quiconque en utilisant la sorcellerie, hein, parce que la sorcellerie c'est quelque chose qui peut faire du tort, soit causer la mort, soit causer la maladie, ou des choses de ce genre. On demande à Allah qu'il nous épargne de ça. Et il dit, et ça fait partie du travail des shayatins, du travail des diables. Sauf qu'il ne peut nuire, le sorcier ne peut nuire par sa sorcellerie, excepté par la permission d'Allah. C'est-à-dire la permission dans le fait de ce qu'il a prédestiné et de ce qu'il a créé. Donc, il n'est pas possible plutôt à un sorcier de faire du tort à quelqu'un ou de lui faire mal avec sa sorcellerie, excepté selon ce que Allah a prédestiné et décrété pour cette personne. Et donc, le musulman doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis des sorciers et vis-à-vis de tous les autres parmi les créatures qui pourraient nous faire du tort. Et c'est ce qu'on doit tirer de ce verset, hein? C'est de ça que le cheikh veut parler lorsqu'il cite ce verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit excepté par la permission d'Allah, c'est-à-dire sa permission dans la création, non pas que Allah a permis dans la révélation et dans la législation de faire la sorcellerie, hein? Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, même dans le verset qu'on a cité, le verset 102, il montre que le sihr, c'est quelque chose qui est condamné et qui est interdit, et que celui qui le fait, hein, celui qui le fait ou qui cherche, hein, à le faire ou même à l'apprendre, hein, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est kafir. إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Donc ça c'est un exemple qui prouve que dans la révélation, dans الشرع, sihr c'est interdit et c'est même kufr, hein? C'est même une forme de mécréance. Tandis que dans la création, Allah a permis que cette chose existe. Le fait que cette chose existe ne prouve pas qu'elle est permise et il ne prouve pas qu'elle est agréée ou aimée d'Allah. Bien au contraire, il déteste cette chose et il l'a même interdite. Et la preuve qu'il l'a interdite, c'est qu'il l'a interdite par l'intermédiaire de ses messagers dans la révélation. Et donc le cheikh, il dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour quelqu'un que la sorcellerie va lui faire du tort, hein, et que le tort se produit effectivement de cette sorcellerie-là. Et donc ça devrait appeler le serviteur à chercher la protection en Allah et à se réfugier en Allah subhanahu wa ta'ala pour se protéger des sorciers et pour se protéger des autres qui veulent lui faire du tort aussi. C'est-à-dire que tu dois chercher à te préserver et à te protéger des sorciers de la même manière que tu te protèges, que tu cherches la protection d'Allah contre quelqu'un qui veut t'agresser physiquement, hein, ou te faire un mal quelconque. وَأَنْ يَسْتَعِيذَ بِهِ مِنَ السَّحَرَةِ وَغَيْرِهِمْ. Ensuite, le cheikh il explique l'autre, le fait que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit bi'idhnillah, c'est-à-dire par sa volonté et par sa prédestination, parce qu'il a par sa puissance, le cheikh al-Fawzan il dit wa ma hum yani fala yastati'una an yadurru ahadan idha lam yani yuqaddir Allah ad-darar fa huwa alladhi yusallitu as-sahara wa ghayrihim li hikmatin minhu subhanahu wa ta'ala يبتلي بها العباد أو جزاء على سيئاتهم وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ فَقَدْ يُسَلِّطُ اللَّهُ السَّحَرَةَ عَلَى إِنْسَانٍ بِسَبَبِ ظُلْمِهِ وَمَعْصِيَتِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Donc le cheikh il dit donc que les sorciers ne peuvent faire du tort à quelqu'un excepté par la permission d'Allah. C'est-à-dire, ils ne peuvent faire du tort à quelqu'un que si Allah a prédestiné ce mal ou ce tort à la personne. Et donc, si un sorcier réussit à faire du tort à quelqu'un avec sa sorcellerie, ou quelqu'un d'autre qu'un sorcier, eh bien, le cheikh, il explique que c'est à cause d'une sagesse qu'il y a dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné cette chose-là parce qu'il y a dans cela une sagesse et il veut tester et éprouver ses serviteurs par cette épreuve-là. Ou parfois, c'est à cause de certains péchés que le serviteur a commis et donc Allah subhanahu wa ta'ala veut le punir de ces péchés-là et même parfois aussi le purifier de ces péchés-là par cette épreuve. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 30, dans surat al-Shura, il n'y a pas un malheur qui vous touche, excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte qu'un sorcier fasse du tort à quelqu'un et permettre qu'un sorcier fasse du tort à quelqu'un dans ce qu'il a prédestiné et créé dans le but de le rétribuer pour une injustice qu'il a commis ou pour un péché qu'il a fait. Donc ça, c'est parmi les raisons et les sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte que certaines choses, parmi ces choses-là, se produisent et pourquoi certaines personnes peuvent être touchées par ce genre de mal. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « Wa illa fas-sihru lam yubihu Allah azza wa jal wa qala fil-ibni d-dini » أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلولا كلمة الفصل لقضي بينهم. Le cheikh il dit ensuite wa illa, donc on a lu le passage où Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit excepté que la sorcellerie n'a pas été permise ou rendue licite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ça, c'est ce qu'il dit par rapport à la permission dans la religion ou dans la révélation. Il dit Am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wa law la kalimatul fasl la qudiya baynahum wa inna adh-dhalimin lahum 'adhabun alim. Donc le verset 21 dans sourate Shura, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ont-ils des partenaires ou des associés, c'est-à-dire, ont-ils donné à Allah des partenaires et des associés qui leur auraient légiféré à propos de la religion ce que Allah n'a pas permis? Et donc ça, c'est un exemple ici qui fait référence à la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion, pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'a pas légiféré, il ne le permet pas par rapport à la religion. Et ça, c'est souvent un verset que les ulama mentionnent pour prouver l'interdiction des innovations dans la religion. C'est-à-dire d'inventer des règles ou des actes ou des paroles ou des croyances religieuses qui n'ont pas été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation. Et c'est le verset 21, donc dans Surah Shura, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la suite de ce verset-là ce qui signifie « Or, si l'arrêt décisif n'avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre eux. Les injustes auront certes un châtiment douloureux. » Donc, ça c'est un exemple de la permission par rapport à la religion, par rapport à la révélation. Un autre exemple aussi de ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah a mentionné comme verset à ce sujet, c'est le verset 45 et 46 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie « Ô toi le prophète, nous t'avons envoyé comme un témoin un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Et un prêcheur hein, qui appelle ou qui invite à Allah, quelqu'un qui invite à Allah par sa permission, est comme une lanterne qui éclaire. Hein. Et ici, une lanterne éclairante. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence hein, à sa permission lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prêcheur qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission, c'est-à-dire parce qu'il a légiféré, parce qu'il a ordonné, parce qu'il a agréé, c'est dans ce sens-là. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait donc quelques commentaires ici. Donc il dit que pour revenir à qu'est-ce qu'on disait au début, wa illa fas-sihru lam yubihu Allah, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il permet que le sihr existe hein, et que certaines personnes fassent de la sorcellerie et qu'ils puissent parfois faire du tort à d'autres avec la sorcellerie, sauf que il ne l'a pas permis, il ne l'a pas rendu licite, il n'a pas rendu la sorcellerie quelque chose de licite et de permis dans la religion, il l'a même interdite hein, parce que c'est du kufr. Et Cheikh Al-Fawzan il dit as-sihru lam yubihu Allah li'annahu kufrun wallahu lam la yarda bil kufri wa huwa min amal ash-shayatin wa huwa dararun 'ala an-nas fallahu la yubihu. Donc ici le cheikh il explique que la sorcellerie Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas rendue licite. Et même que c'est, il dit la raison de ça, c'est parce que c'est du kufr, c'est de la mécréance. Donc Allah n'est pas satisfait et n'agrée pas la mécréance. Et il dit, cela fait partie des actes des diables. C'est les diables qui font hein, que la sorcellerie soit activée ou soit appliquée. Hein, c'est eux qui travaillent en arrière. Et il dit, c'est donc un tort pour les hommes et Allah subhanahu wa ta'ala ne le permet pas. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala ne le permet pas. Donc, il l'a interdit. Il l'a permis dans le qadar parce qu'il l'a prédestiné pour une sagesse, mais dans la religion, dans la révélation, il l'a interdite hein? Parce que c'est quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui est kufr. Et quelqu'un ne peut pas faire de sorcellerie sans faire du kouf ou du shirk. Hein? Et donc, c'est pour ça que même l'apprentissage du sihr, ça demande des sacrilèges, des blasphèmes. Donc, si quelqu'un veut l'apprendre ou le pratiquer, il est obligé de le faire. Et si quelqu'un, même s'il ne le fait pas lui-même, il demande à un sorcier de faire quelque chose pour lui avec de la sorcellerie, eh bien, il est lui aussi kafir, même s'il n'a pas fait lui-même la sorcellerie, parce qu'il demande l'aide des sorciers, et ça implique qu'il accepte hein, que ce sorcier-là fasse des actes qui sont kufr et shirk. Donc, celui qui est satisfait du kufr et du shirk, il est kafir, de la même manière que celui qui fait le kufr et le shirk. Hein? Donc, si tu es satisfait et tu as agréé la mécréance, donc c'est comme si toi aussi tu es un mécréant, même si tu n'as pas fait toi-même la mécréance. Hein? Et si tu as agréé le shirk, même si tu ne l'as pas fait toi-même, hein, c'est comme si tu as commis le shirk toi aussi. Hein? D'accord? Donc ça c'est important. Donc si tu dis à, si tu vas voir un idolâtre, quelqu'un qui se prosterne à une idole, puis tu lui dis je veux que tu te prosternes à l'idole. Hein? Prosterne-toi à l'idole et adore l'idole. Ou bien offre quelque chose en offrande à l'idole. Tu lui donnes un animal à sacrifier pour l'idole. Tu lui dis, tiens, prends cet animal, sacrifie-le. Hein? Et que tu es satisfait de ça et tu agrées ça. Donc, c'est comme si tu l'avais fait toi-même. Même si tu ne l'as pas fait avec tes deux mains. Donc ça, c'est grave. Donc quand tu demandes à quelqu'un de faire le sihr pour toi, c'est comme si tu le faisais toi-même. Et donc, par conséquent, hein, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Ça fait partie des nawaqid, des annulatifs de l'islam. Naam. Ensuite, le cheikh, il explique par rapport à le verset 21 dans Sourate Shura qu'on a lu tout à l'heure. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit « Ya'ni, ma lam yashra' hein, ma lam yashra'u Allah, ma lam yashra'u Allah, fal-idhnu yakunu shara'iyan, kama annahu yakunu qadariyan. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihillah. هذا في الذين يحللون ويحرمون بدون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء شرعوا للناس شرعا لم يشرعه الله ولم يأذن به الله وقالوا على الله بغير علم. Donc le cheikh il explique que ici il dit, c'est-à-dire que Allah n'a pas légiféré. Il dit donc que la permission, hein, elle peut être soit parmi les permissions qui ont été connues par la révélation, ou peut être une permission dans ce que Allah a permis dans la création et dans ce qu'il a prédestiné. Et donc, c'est deux choses totalement différentes. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « Ont-ils donné à Allah des associés et des partenaires qui légifèrent pour eux de la religion ce que Allah n'a pas permis ?» Ça, ça veut dire que c'est comme si, par exemple, dans le fait de prendre, hein, de prendre quelqu'un dans la religion que tu suis et qui va te rendre licite ce que Allah a interdit ou qui va te rendre interdit ou illicite ce que Allah a permis. Ou bien qui va t'ordonner de faire des choses dans la religion en te disant que ces choses-là sont en accord avec la religion et qu'elles font partie de la religion, alors qu'en réalité, il n'y a aucune preuve qui les supporte et elles n'ont pas été révélées. Donc ça, c'est parmi les innovations. Ça rentre dans les bid'a. Hein? Et ça, ça veut dire que la personne qui fait ça, eh bien, c'est comme si elle avait associé avec Allah un partenaire dans la législation. Parce que la législation, c'est un droit exclusif d'Allah. Personne n'a le droit de légiférer dans la religion des lois ou des règles, hein? Excepté Allah. Et le messager, il légifère ou bien il fait la transmission des règles de la révélation d'Allah. Donc d'obéir au messager, ça fait partie de l'obéissance à Allah. Et quand le messager légifère dans la religion, c'est par rapport à ce que Allah lui ordonne. Donc c'est le seul parmi les créatures qui peut légiférer, hein, des règles et des lois dans la religion. Mais en dehors du messager, personne parmi les êtres humains n'a le droit de légiférer quoi que ce soit en ce qui concerne les, hein, l'adoration et les règles religieuses ou les pratiques et les principes de la religion. Sinon, ça veut dire qu'on a pris cette personne-là comme un associé, un partenaire avec Allah, qui légifère pour les hommes des choses religieuses que Allah n'a pas permises. Donc ça rentre dans le shirk aussi. Hein? Donc la bid'a, il y a une part de shirk dans la bid'a aussi. Hein? Si quelqu'un fait des innovations, c'est comme si, ou bien s'il suit des innovateurs, c'est comme s'il les prenait comme des législateurs en dehors d'Allah. Et c'est ce que le Cheikh Al-Fawzan explique ici quand il dit que ça, c'est pour ceux qui rendent halal et qui rendent haram sans preuve du Coran ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là, ils légifèrent pour les hommes une législation que Allah n'a pas légiférée et que Allah n'a pas permise. Et donc, par conséquent, ils disent des choses à propos d'Allah sans science. Et le cheikh dit ensuite, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, nous t'avons certes envoyé. Hein? Et il dit, inna arsalnaka hadhihi shahadatun lirrasul sallallahu alayhi wa sallam birrisala. Shahadatun min Allah azza wa jal anna Allah arsalahu. Inna arsalnaka shahidan. Hein? Shahidan ala hadhihi l'umma. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا على هذه الأمة فكل أمة يوم القيامة يشهد عليها نبيها أنه قد بلغها أنه قد بلغها وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مبشرا للمؤمنين بالجنة ونذير للكافرين بالنار يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يعني تدعو الكفار إلى الإسلام وتدعو العصاة والمذنبين إلى التوبة بإذنه أي بشرعه وهذا محل الشاهد فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإذن من الله أي بشرع من الله أنزله عليه وأوحاه إليه فهذا فيه دليل على الإذن الشرعي على الإذن الشرعي donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc à son prophète nous t'avons certes envoyé et ça c'est un témoignage hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui témoigne que le messager hein, a été envoyé avec un message. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé avec un message. Donc, c'est un témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son messager. Et il dit, il témoigne que le message qu'il envoie, c'est Allah qui lui a envoyé. Donc, il témoigne de la véracité de son message. Il dit, donc, nous t'avons envoyé comme témoin. Hein, dans le verset 45, dans Sourate Al-Ahzab. Ensuite, il dit, c'est-à-dire qu'il est un témoin pour cette Ummah. Un témoin pour cette Ummah, c'est-à-dire pour cette nation, la nation de l'islam. Et il dit, ensuite, que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 41 dans Sourate Al-Nisa. Hein, ça, c'est le verset que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait demandé à un de ses compagnons de réciter le Coran, hein, parce qu'il disait que Allah subhanahu wa ta'ala aimait yani, sa récitation. Et quand il a lu pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a lu jusqu'à ce verset, verset 41 dans Surat An-Nisa, puis il lui a dit Hasbuk, Hasbuk, c'est-à-dire ça suffit. Et le sahabi a dit, j'ai vu les larmes dans les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. C'est le verset suivant qui dit ce qui signifie, comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, ô Mohammed, comme témoin contre ces gens-ci. Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera un témoin contre cette umma. Et chaque Umma, chaque nation, au jour de la résurrection, eh bien, elle aura son prophète pour témoigner, hein, pour témoigner qu'il a effectivement transmis le message, hein, pour sa nation. Chaque prophète va témoigner et chaque nation va témoigner. Le prophète de chaque nation va témoigner pour la transmission de son message. Et il dit وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدَا et nous allons hein, te faire venir yani, comme témoin pour ceux-là, c'est-à-dire pour cette umma, la umma de l'islam. Et il dit dans le verset 45 qu'on était en train d'expliquer, nous t'avons envoyé comme un témoin, un annonciateur d'une bonne nouvelle et un avertisseur. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire un avertisseur, un annonciateur d'une bonne nouvelle pour les croyants, c'est-à-dire par rapport au paradis, qui est la bonne nouvelle, et un avertisseur pour les non-croyants, hein, de l'enfer qui a été préparé pour eux. Donc, il dit, le cheikh, tu vas donc inviter, hein, à Allah, c'est-à-dire tu vas inviter les kuffars à l'islam, et tu vas appeler les pécheurs parmi les musulmans et ceux qui font des péchés, tu vas les appeler à se repentir. Bi-iznihi, par sa permission. Et bi-shar'ihi. Ici, en réalité, sa permission, ça veut dire par sa révélation. Hein, tu appelles par sa révélation, par sa législation. Et c'est ça, en fait, qu'on veut prouver, qu'on veut établir dans ce point-là, parce qu'on essaie d'expliquer que il y a al-idhnul kawni ou al-idhnul shar'i. Et ici, on mentionne al-idhn al-shar'i, c'est-à-dire quand Allah il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui invite à Allah par sa permission, c'est-à-dire par sa révélation, selon sa révélation. Selon sa révélation et selon sa religion, selon ce qu'il a ordonné dans sa religion. C'est la preuve que il a agréé la da'wa du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il l'accepte et qu'il, hein, et qu'il l'aime. Donc, il dit le cheikh que le messager, il est envoyé par la permission d'Allah, c'est-à-dire par la législation d'Allah. Hein? Et il vient avec ce que Allah lui a révélé. Et il lui révèle, hein, sa religion. Ça, c'est la preuve à propos donc de la permission qui est la permission dans ce qui est légiféré. Donc, il y a aussi deux autres versets que le cheikh Ibn Taymiyyah a cités. On va lire ces deux versets, puis on va s'arrêter après. C'est le verset 64 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et le verset 5 dans Sourate Al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Donc ici le cheikh il a cité ces deux versets-là. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous n'avons envoyé de messagers excepté pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah, c'est-à-dire selon la révélation d'Allah, selon la législation d'Allah, selon ce que Allah a ordonné dans sa révélation. Et le cheikh Al-Fawzan il explique ce verset en disant Umum ar-rasul min awwalihim ila akhirihim ma arsalahum Allah illa li ajli an yuta'u, hein, min ajli an yuta'u, pour qu'ils soient obéis, hein, li anna man ata'ahum faqad ata'a Allah wa man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah fama arsalahum illa li ajli an yuta'u bi idhnillah ay bi shar'ihi subhanahu wa ta'ala. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أي بشرعه وهذا محل الشاهد فدل على أن الإذن يكون شرعيا كما أنه يكون قدريا. Donc ici le cheikh il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a envoyé ses messagers que pour qu'ils soient obéis par sa permission, c'est-à-dire selon sa révélation. Et il dit parce que celui qui obéit au messager, il a obéi, certes, à Allah. Comme Allah, il le dit dans le verset 80, dans Sourate An-Nisa, et quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Et il dit donc, il ne les a envoyés que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah, c'est-à-dire par sa révélation. Et ça, c'est la preuve qu'en même temps, quand il dit par la permission d'Allah, hein, ça ne veut pas dire dans le qadar, parce que, bien entendu, parmi les êtres humains, il y en a qui obéissent au messager et il y en a qui refusent d'obéir au messager. Donc ici, il s'agit de la législation, de la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants d'obéir au messager. Donc ils n'ont été envoyés que pour être obéis. mais par la permission d'Allah, c'est-à-dire par la révélation d'Allah, par la législation, selon ce qu'Allah a légiféré. Et dans l'autre verset, ou bien dans la suite du verset, pardon, l'explication, il dit le cheikh, c'est-à-dire selon ce qu'il a légiféré, c'est ça la preuve de ce verset-là, du fait que dans la permission, quand on parle de la permission d'Allah, il y a la permission qui est légiférée par rapport à la révélation et la législation, et il y a la permission qui est dans la prédestination et la création. Et l'autre point par rapport à l'autre verset dans Surat al-Hashr, Surat al-Hashr, le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence ici à une des batailles qu'il y a eu contre les Juifs dans Surat al-Hashr, et il mentionne dans le verset 5 ce qui signifie « Tout palmier que vous avez coupé ou que vous laissez debout sur ses racines, c'est avec la permission d'Allah, c'est-à-dire avec, selon la législation d'Allah, hein, et afin qu'il couvre d'ignominie les pervers. » Donc ici, il faut comprendre ce verset-là de cette façon. Et le cheikh, il explique ce verset, il dit « Wa fi ghazwati bani an-nadir anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ghazahum fi makanihim huwa wa sahabatuhu al-kiram wa hasaruhum wa qata'u ba'd an-nakhil nikayatan bihim fa qala 'azza wa jal ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ay min nakhlah أو تركتموها قائمة على أصولها أي بشرعه أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي بشرعه وأن الله أذن لكم بذلك وشرع لكم النكاية باليهود. Donc ici le cheikh il dit que ça c'était dans la bataille contre les juifs de Bani Nadir, hein? Et lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, hein, l'endroit chez eux, c'est-à-dire est allé les combattre là où ils étaient, lui ainsi que ses compagnons, et donc ils les ont assiégés. Et ils ont coupé certains des palmiers qu'ils avaient dans leurs palmeraies pour les punir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit vous ne coupez de palmiers ici. C'est-à-dire, soit que vous les coupiez ou que vous les laissiez, hein, sur leur racine, sur leur tronc, debout, c'est-à-dire, hein, sur leur racine, excepté que c'est par la permission d'Allah, c'est-à-dire par la législation d'Allah que vous le faites. C'est-à-dire que vous faites uniquement ce qui est permis par Allah par rapport à ce qu'il a légiféré. Et il a légiféré ici de le faire pour punir l'ennemi, pour punir l'ennemi et pour faire du tort à l'ennemi. Il y en a plus que c'est une situation de guerre. Donc la situation de guerre, c'est pas la même chose que la situation de paix. Et dans la guerre, il y a des choses qui sont légiférées, qui font partie des sagesses, qui sont reliées au but et aux objectifs de la guerre qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala contre les ennemis d'Allah. Donc ça, c'est un exemple ici pour désigner qu'est-ce qui est la permission dans la législation. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On a terminé de ce terme. Le prochain terme, ce sera Al-Qada. Et on va voir qu'il y a Al-Qada Al-Kawni et il y a aussi Al-Qada Al-Dini. On parlera de ça au prochain cours, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.